général et ce n'est pas spécifique à Luqman rahimahullah ta'ala. Allah azza wa jalla dit dans le Coran al-Karim, nous avons effectivement donné à Luqman la sagesse. Donc Luqman, l'esclave d'Allah azza wa jalla, menuisier doué d'une sagesse, et Allah azza wa jalla a comblé de plusieurs bienfaits. Parmi ces bienfaits, al-hikmah, la sagesse. On est rentré dans les détails concernant ce sujet qui est al-hikmah. Allah azza wa jalla l'a donné à cette personne qui est Luqman al-Hakim et qui n'est pas un prophète d'Allah azza wa jalla. Allah lui a donné cette sagesse, ce bienfait, il lui a ordonné ici d'être reconnaissant. Donc c'est obligatoire pour Luqman rahimahullah ta'ala et c'est obligatoire pour tous les serviteurs d'Allah azza wa jalla. Wa laqad ataina Luqman al-hikmata an ishkur lillah. On a effectivement donné à Luqman la sagesse, sois reconnaissant à Allah azza wa jalla. Et Allah azza wa jalla il dit, car quiconque est reconnaissant n'est reconnaissant que pour soi-même, c'est que pour lui. وَمَنْ كَفَرْ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. Amma celui qui va à l'opposé de la reconnaissance, Allah il s'adresse à lui et il dit, concernant celui qui est ingrat, celui qui n'est pas reconnaissant, ici celui qui est ingrat, en vérité Allah se dispense de tout et il est digne de louange. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ. C'est un ordre. فَالْوَاجِبُ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ أَنْعَمَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَلَيْهِ بِالنِّعْمَةِ أَنْ يَشْكُرَ اللَّهِ. C'est obligatoire pour tout musulman qui a été comblé d'un bienfait de remercier, d'être reconnaissant envers Allah Azza wa Jal. On est d'accord. C'est obligatoire pour tout musulman à qui Allah subhanahu wa ta'ala a donné un bienfait d'être reconnaissant. الدليل. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنْ اشْكُرْ لِلَّهِ. Ah, on a certes donné, effectivement donné à Luqman une sagesse et Allah il lui ordonne, sois reconnaissant envers ton Seigneur tabaraka wa ta'ala. On avait parlé déjà de cette règle qui fait partie de usul al-tafsir. À partir du moment où Allah azza wa jal ici ordonne une chose ou interdit une chose dans le Coran al-Karim, c'est la règle générale, comme dit Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala dans usul al-tafsir, c'est général. D'accord, ce n'est pas spécifique à une personne ou un groupe de personnes ou à une époque, tant qu'on n'a pas une preuve du contraire. C'est pour ça, Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah ta'ala, wa ghayru min ahli al-ilm, et les plus anciens parmi les exégètes ont dit que ce verset a une portée générale. Et al-amru lil wujub. D'accord, l'ordre indique le caractère obligatoire, sauf s'il y a une preuve qui prouve le contraire ou alors qui fait passer de l'obligatoire au recommandé. Donc là, est-ce que c'est un ordre ou pas? Naam, anishkur lillah. Et ça, c'est une des preuves parmi les nombreuses preuves, comme on va le voir. Donc, toute personne à qui Allah Azza wa Jalla a donné un bienfait, il doit obligatoirement être reconnaissant envers Allah. Mais il faut comprendre c'est quoi la reconnaissance. Hier, on a vu c'était quoi dhikrullahi Azza wa Jalla. Vous allez voir que dhikrullahi tabaraka wa ta'ala wa shukr et la reconnaissance envers Allah Azza wa Jalla ici se ressemblent. Vous allez voir pourquoi. Et bien plus que cela, Allah Azza wa Jalla a parlé dans le Coran al-Karim, dans un verset qu'on va citer, de dhikr et du shukr, de rappel et ici de la reconnaissance dans le même verset coranique. Vous allez le voir, bihawlillahi azza wa jalla wa billahi tawfiq. Allah azza wa jalla il a ordonné toute personne à qui Allah donne un bienfait, il doit obligatoirement remercier Allah et être reconnaissant envers Allah azza wa jalla. Qui d'entre nous, non, plus que cela, qui sur la surface de la terre n'a pas été comblé d'au moins un bienfait? Qui? Est-ce qu'il y a une personne, un être humain, je dis pas un musulman, un être humain sur la surface de la terre qui n'a pas été comblé par des bienfaits de la part d'Allah Azza wa Jal? Ça existe ou pas? Tout le monde a été comblé par de nombreux bienfaits de la part de son Seigneur Tabaraka wa Ta'ala. Tout le monde. Même les animaux. N'importe quel humain. Ne serait-ce que la vue, ne serait-ce que le cœur, ne serait-ce que la santé, ne serait-ce. Des bienfaits, ici, comme Allah Azza wa Jal dit dans le Coran al-Karim, وَإِن تَعُدُّ نِعْمَةَ اللَّهِ la tuhsuha. Ici, si vous essayez de compter les bienfaits d'Allah Azza wa Jal, vous ne pourrez jamais les dénombrer. On ne pourrait pas les dénombrer. Même cherche à calculer et à compter tous les bienfaits d'Allah Azza wa Jal, tu ne pourrais pas. Et c'est pour ça que je dis souvent, si on était reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala pour chaque bienfait, ou la plus grande partie des bienfaits qu'il nous a donnés, on ne trouverait même plus le temps de se plaindre. Walakin nous, malheureusement, illa man rahim Allah, on se plaint plus qu'on ne remercie Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est une erreur. Et c'est un égarement, car Allah azza wa jalla a comblé de bienfaits toutes ses créatures. On ne dit pas les êtres humains. Toutes ses créatures, et c'est un ordre. Qui remercie Allah azza wa jalla, est reconnaissant envers Allah azza wa jalla? Très peu. C'est qui l'a dit? Allah azza wa jalla. Allah il dit dans le Coran al-Karim, wa qalil, et très peu de mes serviteurs sont reconnaissants. Subhanallah, de ses serviteurs. Allah il dit, très peu de mes serviteurs sont reconnaissants, alors que c'est obligatoire. Donc c'est pour ça que tout le monde doit être sur ses gardes. Pour ne pas être parmi les personnes qu'Allah a dit dans le Coran, et très peu de mes serviteurs sont reconnaissants. Donc c'est-à-dire parmi les personnes qui ne sont pas reconnaissantes envers Allah Azza wa Jal. Donc ça veut dire que quoi? Beaucoup des serviteurs d'Allah Azza wa Jal ne sont pas reconnaissants. Wal'iyadhu billah. Ash-shukr, la reconnaissance, le remerciement envers Allah Azza wa Jal, c'est un bienfait. Écoutez bien, le bienfait si l'on remercie à son sujet, d'accord, c'est un bienfait. Et le bienfait quand on est reconnaissant, donc n'importe quel bienfait, écoute bien, la vue, l'argent, la femme vertueuse, le bien, le confort, l'islam, une mosquée, ad-da'wa, al-ilm, suis avec moi et concentre-toi. C'est des sujets parmi les sujets les plus importants. Si ce bienfait ou n'importe quel bienfait qu'Allah Azza wa Jal t'a donné, d'accord, si tu es reconnaissant envers Allah Azza wa Jal pour ce bienfait, chaque bienfait qu'Allah t'a donné, qu'est-ce qui se passe? Écoute bien, ce bienfait est maintenu. Allah Azza wa Jal, il te laisse ce bienfait. Ah, si tu remercies Allah Azza wa Jal, Allah subhanahu wa ta'ala, il te laisse ce bienfait, il est maintenu. Et s'il est renié, tu n'es pas reconnaissant envers Allah Azza wa Jal, ce bienfait disparaît. Si tu es reconnaissant, Allah, il te maintient ce bienfait, d'accord? Et en plus du fait qu'Allah te maintient ce bienfait, il te rajoute d'autres bienfaits. Pourquoi? Parce que tu as été reconnaissant envers ce bienfait qu'il t'a donné. Retiens bien ça, d'accord? Si tu n'es pas reconnaissant envers ce bienfait, c'est une des causes qui fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala va t'ôter ce bienfait. Allah azza wa jalla va t'ôter ce bienfait. Contrairement au fait, si tu remercies Allah sur ce bienfait, ad-dalilu ala dhalik. Quelle est la preuve sur cela? يقول جل وعلا وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. Allah il te met en garde sur le fait d'être ingrat envers qui? Envers Allah Azza wa Jal. Écoute bien, Allah subhanahu wa ta'ala dit avec une traduction approximative: et lorsque ton Seigneur proclama, et lorsque ton Seigneur proclama, si vous êtes reconnaissant, très certainement, j'augmenterai mes bienfaits pour vous. C'est Allah qui le dit. La azidannakum. J'augmenterai mes bienfaits pour vous. Et si vous êtes ingrat, l'ingratitude ici, c'est l'opposé de quoi? Ash-shukr. Du remerciement, de la reconnaissance. Bien sûr, envers Allah Azza wa Jalla. C'est l'opposé. D'accord? On a parlé de quoi hier? Dhikrullah. L'opposé de dhikrullah, c'est quoi? L'oubli. Mashallah. C'est l'oubli. Le fait d'oublier Allah Azza wa Jalla. Le fait de se rappeler d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est obligatoire. Et on a cité tous les bienfaits hier, on va continuer la semaine prochaine bihawlillahi azza wa jal. D'accord? Et on avait dit que dhikrullahi azza wa jal se faisait avec dhikrullahi yakunu bil lisan wa bil qalb wa bil jawarih. D'accord? On avait dit que ça se faisait avec le cœur, avec la langue et avec les membres. Pareil pour shukr, comme on va voir bihawlillahi azza wa jal. D'accord? Donc ici, si tu es reconnaissant envers ton Seigneur tabaraka wa ta'ala, Allah azza wa jal, il va t'en rajouter, d'accord, de ses bienfaits. Non seulement s'il va t'en rajouter, la logique veut que quoi? Ici, ce qui est logique, c'est quoi? D'après une compréhension juste et authentique, c'est-à-dire que Allah azza wa jal, le bienfait que tu as, il va te le préserver. Non seulement il va te le préserver, mais il va t'augmenter de ses bienfaits. La azidannakum wa la in kafartum. C'est Allah qui le dit. Wa la in kafartum. Inna azabi la shadid. Il ne dit pas le bienfait va disparaître simplement. Mais mon châtiment est douloureux. Est-ce que c'est une mise en garde sur le fait de ne pas être reconnaissant envers Allah Azza wa Jal? Oui ou non? C'est une mise en garde très sévère de la part d'Allah Azza wa Jal. Et une mise en garde que beaucoup de gens ont négligé. Et c'est la preuve que beaucoup de gens n'ont pas compris le sujet, l'importance du sujet qui est quoi? Ash-shukr, la reconnaissance. Bien sûr envers notre Seigneur Tabaraka wa Ta'ala. Et on va voir plus dans les détails qui est concerné par cette reconnaissance. D'accord? Donc plus tu remercies Allah, Allahumma falak alhamd ala hadha al-ilm, sur cette science que tu m'as donnée, bihawlillahi azza wa jal, c'est une des causes qu'Allah va te rajouter de la science, d'accord? Et il va préserver ce bienfait que tu as. Ya Allah falak alhamd, sur ce bienfait que tu m'as donné, le fait que je peux me diriger dans une mosquée et adorer Allah azza wa jal sans rien lui associer, c'est une des causes par laquelle Allah subhanahu wa ta'ala va te préserver ce bienfait et il va te rajouter des bienfaits dans ce bienfait qui est là. Il va te rajouter bienfait sur bienfait. Ya Allah, falak alhamd, pour ces enfants que tu m'as donnés. Tu es reconnaissant envers Allah Azza wa Jal. Ça, c'est une des causes par laquelle Allah va te préserver qui ? Tes enfants et te rajouter d'autres enfants bi-idnillahi Azza wa Jal. Vous avez compris ou pas ? C'est clair, wadih. D'accord. Walakin, il faut être reconnaissant. Mais pour être reconnaissant, il faut savoir ici comment être reconnaissant. C'est facile de dire faut être reconnaissant. D'accord, comment tu es reconnaissant ? Ah, si tu n'as pas de science, comment tu vas être reconnaissant ? Et comment tu vas savoir comment ne pas être parmi les personnes qui méritent le châtiment douloureux d'Allah Azza wa Jal ? Voilà, in kafartum. D'accord, inna azabi la shadid. Si vous êtes ingrat, mon châtiment est douloureux, mise en garde sévère, dur de la part d'Allah Azza wa Jal. Méfiez-vous. Attention d'être ingrat wal iyadu billah. Tout bienfait qu'Allah Azza wa Jal t'a dit, t'a donné, dit alhamdulillah ala al-aql. Ça c'est le minimum. Dis au moins alhamdulillah, louange à Allah Azza wa Jal. Ça c'est le minimum. Walakin, comment se fait le bienfait ? On va le voir bi hawlillah Azza wa Jal. On a dit hier que quoi ? Al-dhikr, le rappel d'Allah, on a vu ça dans les détails. Donc c'est le fait de se souvenir, de se rappeler d'Allah Azza wa Jal, c'est-à-dire l'opposé de ne pas oublier Allah Azza wa Jal. Wal'iyadhu billah. D'accord ? C'est-à-dire de ne pas être insouciant. Et les insouciants sont comparés dans le Coran al-Karim à qui ? À des bestiaux. Belhum adal, oulaika humul ghafilun. Pire, c'est pas les bestiaux, c'est faux. Allah il dit pire que des bestiaux. Belhum adal, oulaika humul ghafilun. Ceux-là sont qui ? Les insouciants. Si tu ne veux pas être assimilé à des bestiaux, c'est-à-dire des vaches, des je ne sais quoi encore, d'accord ? Qui n'ont pas la raison, d'accord ? Ne sois pas parmi les insouciants. Et sois parmi ceux qui se rappellent d'Allah Azza wa Jal. Et on a cité les nombreux bienfaits du rappel d'Allah Azza wa Jal. Et on a rappelé comment Allah aime son rappel, surtout quand les gens... Quand les gens oublient. Et dans des endroits où les gens oublient. On a donné l'exemple, le hadith rapporté par At-Tirmidhi et d'autres, authentifié par Cheikh Al-Albani, où le prophète alayhi sallam a dit toute personne qui rentre dans un marché. Pourquoi le marché ? Marché, c'est les endroits les plus détestés d'Allah Azza wa Jal. Parmi les causes, c'est un endroit où on oublie Allah. Et on se souvient de dunya. Toute personne qui rentre dans un marché et qui dit « La ilaha illallah, wahdahu la sharika la, lahul mulk wa lahul hamd, yuhyi wa yumit, wa huwa hayyun la yamud, biyadihi al-khayr, wa huwa ala kulli shay'in qadir. » C'est quoi la récompense ? 1 million de hasanat, 1 million de bonnes actions. C'est quoi la récompense ? 1 million de mauvaises actions enlevées. C'est quoi la récompense ? Allah t'élève d'1 million de degrés. Est-ce que ça c'est un cadeau d'Allah Azza wa Jal ? Bien sûr, c'est un grand cadeau et un grand bienfait de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord. Donc on a dit que dhikrullah Azza wa Jal hier, le fait de se rappeler d'Allah, se fait avec le cœur. On avait dit c'est quoi avec le cœur ? C'est le fait de quoi ? Craindre Allah subhanahu wa ta'ala. Se souvenir d'Allah Azza wa Jal. Méditer sur la création d'Allah Azza wa Jal de façon intérieure. Est-ce que tu es dans dhikrullah Azza wa Jal ? Na'am. Et on a dit que dhikrullah on doit le faire, pas un peu, beaucoup. Car les hypocrites, comment ils invoquaient ou ils évoquaient Allah Azza wa Jal ? Très peu, mais ils le faisaient. D'accord ? Wa idha qamu ila salah, qamu kusala. D'accord ? Quand ils se lèvent pour la prière, ils se lèvent avec paresse, c'est les hypocrites. Avec ostentation. Wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Et ils n'invoquent Allah, ils évoquent, ils se rappellent d'Allah que très peu. Donc les hypocrites, on sait que quoi ? Ils priaient. Ah naam. Ils priaient, oui. Mais c'est ça l'hypocrite. Il montre son appartenance à l'islam de façon apparente, alors que de façon cachée, ça contredit ce qu'il montre de façon apparente. Al-munafiq wal-iyadhu billah. D'accord ? Inna al-munafiquna fi ad-dark al-asfali min an-nar. Les hypocrites sont dans le degré le plus bas de l'enfer. D'accord. Et ici, on a dit quoi ? Les hypocrites, ils se lèvent, ils prient, mais c'est des paresseux. Si tu es paresseux, sache que tu ressembles aux hypocrites, wal-iyadhu billah. Tu as une ressemblance avec les hypocrites. D'accord ? Avec ostentation. Tu as de l'ostentation, même si tu restes musulman. D'accord ? C'est une petite ostentation de temps en temps, dans certains actes d'adoration. Sache que tu ressembles aux qui ? Aux hypocrites. D'accord ? On continue. Et il dit, et il n'évoque, il se rappelle d'Allah Azza wa Jal que très peu. Il se rappelle d'Allah, mais très peu, wal-iyadhu billah. D'accord. Donc le fait de se rappeler dans ton fort intérieur d'Allah Azza wa Jal, ça c'est le rappel d'Allah avec le cœur. Avec la langue, c'est dire subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, tout ce que Allah aime avec la langue. Subhanallah, alhamdulillah, ad-da'watu ilallah, etc. On avait dit. Avec les membres, c'est quoi ? Exemple ? De venir à la mosquée, de faire la prière, etc. Avec tes membres, donc ça c'est le rappel d'Allah Azza wa Jal. Tu te souviens d'Allah Azza wa Jal à travers tes membres, d'accord. Ash-shukr, la reconnaissance. La même chose. La reconnaissance, parce qu'on a dit, c'est obligatoire. Sinon, inna adhabi la shadid. Donc on a peur, khlas. Ya Rab, on veut te remercier, on veut être reconnaissant envers toi. Mais comment ? Ici, avec ton cœur, bil qalb, wa bil lisan, wa bil jawari. C'est la même chose. D'accord ? Avec le cœur, avec la langue et avec les membres. Et ça, c'est un rad clair à qui? À cette secte qu'on appelle Al-Murji'a. C'est-à-dire cette secte qui ont séparé ou qui ont enlevé l'action, d'accord, de la définition de l'Iman. Ils disent que quoi? Al-Iman, ou plutôt les actions ne nuisent en rien à ta foi. Même tes mauvaises actions ne te portent pas préjudice, ou plutôt ne portent préjudice aucunement à ta foi. C'est-à-dire, dis la ilaha illallah et fais ce que tu veux. On dit comment cela, alors que ici, al-shukr se fait à travers le cœur, mais aussi la langue et les membres. Le rappel d'Allah se fait à travers le cœur, mais aussi la langue et les membres. Et c'est pour ça que les gens de science ont décrit al-iman et ils ont dit qawlun bil lisan. C'est ça l'iman, la définition de la foi. C'est une parole qui se dit avec la langue. Hada huwa al-iman. Al-iman qawlun bil lisan wa i'tiqadun bil janan ay bil qalb. D'accord? Et c'est une reconnaissance, une croyance avec le cœur. Wal 'amalu bil jawarih wal arkan. Et c'est quoi? Le fait de mettre en application, d'accord, ce que tu as ressenti dans ton cœur et dans ta langue et ce que tu as prononcé avec ta langue. C'est l'accomplissement, l'œuvre, le fait d'œuvrer à travers avec quoi? Avec tes membres. D'accord? C'est le fait de mettre en application, d'œuvrer, d'accomplir des actions, des œuvres salutaires. C'est ça l'iman. Ce n'est pas simplement une parole que tu dis avec la langue ou une reconnaissance avec le cœur. C'est un tout. Comme al-shukr et comme al-dhikr. Comme la reconnaissance et comme le rappel d'Allah Azza wa Jal. D'accord? Son remerciement se fait par le cœur. C'est-à-dire, comment remercier Allah Azza wa Jal avec le cœur? C'est dans son fort intérieur de reconnaître ici ou de louer Allah Azza wa Jal pour les bienfaits qu'il t'a donnés. Dans ton fort intérieur. Ah, pourquoi c'est important? Pourquoi on dit c'est important avec le cœur? Les hypocrites, qu'est-ce qu'ils avaient? Comment Allah Azza wa Jal les a décrits? Ils faisaient la prière ou pas? Non, ils faisaient des actions. Ils se levaient pour la prière. Ils évoquaient Allah, donc avec la langue, ils évoquaient Allah. Donc ils pouvaient même parler d'Allah. D'accord, le munafiqun, c'est ça. Ils parlaient d'Allah, etc. Voilà qu'ils, eux, ils voulaient des intérêts ou faire du mal aux musulmans, etc. D'accord? Donc eux, ils le faisaient. Mais qu'est-ce qui a fait d'eux des hypocrites? Le cœur. Al-qalb ou al-malik. Donc c'est pour ça que c'est important. Il faut bien comprendre pourquoi le cœur. Le cœur, ici, c'est ce qu'il y a de plus important. Si ton cœur est sain et pur, comme le prophète Ali Sassam a dit, le reste du corps, il est pur, bon, sain. Si le cœur est corrompu, tout le reste du corps, il est corrompu. D'accord? Ce morceau de chair, comme le prophète Aïssam l'a dit, c'est certes le cœur al-qalb. D'accord? Le cœur, donc ici c'est important, ça ne suffit pas de dire Alhamdulillah ya Rab. Ou bien, écoute bien, remercier Allah à travers les membres. On va le voir comment. Je ne vais pas vous le dire tout de suite. Voilà qu'il faut être reconnaissant envers Allah Azzawajal avec les membres. Ça ne suffit pas. Il faut qu'à l'intérieur de ton cœur, tu sois sincère, apaisé. Ici, quand tu reconnais le bienfait d'Allah de façon extérieure à travers ta parole ou à travers tes membres, d'accord? Et tu ne le fais pas avec, en éprouvant de la gêne. فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجَ مِمَّا قَضَيْتْ وَيُسَلِّمُ تَسْلِيمًا. Regardez Allah Azzawajal, qu'est-ce qu'il dit? Par ton Seigneur, ils ne seront véritablement croyants que lorsqu'ils t'auront pris, avec une traduction approximative, toi Muhammad alayhi salatu wassalam, certes le prophète est mort, walakin, la sunna du prophète alayhi salatu wassalam est toujours là. Naam, tant qu'ils ne t'auront pas pris pour juge dans leur conflit, dans leur dispute. D'accord? Et qu'ensuite ils n'auront éprouvé aucune gêne, d'accord, aucune gêne, de façon intérieure comme extérieure, aucune gêne, d'accord, pour ce que tu auras décidé. Et qu'ils se soumettent totalement à ta sentence, d'accord, à ta décision. Donc aucune gêne. Il faut accepter les choses religieuses avec un cœur apaisé et pas en ayant un dégoût. Par exemple, une personne qui va dire, je fais la prière. Khlas, je suis musulman. Je reconnais qu'elle est obligatoire. Mais wallah, à l'intérieur, j'ai du dégoût pour cette prière. C'est du kofre ou pas? C'est du kofre, wal'iyadu billah. Et toute action et toute parole de mécréance ne font pas de toi toujours un mécréant. Ça, c'est clair. D'accord? Walakin, ça, c'est du kofre. Avoir du dégoût pour ce que Allah Azza wa Jal a décrété, a révélé, a autorisé, a ordonné, a interdit. C'est du kofre. Pourquoi? Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, ya Abdallah, ya Amatallah, tout ce qu'il a décidé et toute décision d'Allah azza wa jal est accompagnée avec de nombreuses sagesses. Allah azza wa jal, c'est lui al-hakim, le sage. Quand il décide une chose, il t'ordonne une chose, il t'interdit une chose, c'est qu'il l'a fait avec ou, par sa, ou de par sa sagesse. Et c'est qu'il y a un bien pour toi. Et si toi tu as de la répugnance pour ce que Allah azza wa jal a révélé ou a t'a ordonné de faire, ici tu as de la répugnance pour les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour ce que Allah a décidé. Quelque part tu as de la répugnance pour Allah azza wa jal. C'est vrai ou pas? C'est grave. Donc ici il faut avoir un cœur ici qui est apaisé. Et que tu dois, et ça c'est la preuve, que tu dois être reconnaissant avec le cœur. Biqalbika ya Abdallah. Même avec ton cœur tu dois être reconnaissant. Parce que ce cœur, tu vas être interrogé dessus. Combien de personnes peuvent te montrer des choses de façon apparente, qu'il est pieux, qu'il est vertueux, parler de da'wa? Peut-être même moi. Qui va dire le contraire? Allah wa'alam, peut-être que, hein, moi personne n'a vu qu'est-ce qu'il y a dans mon cœur. D'accord? Donc, plein de monde peuvent parler. C'est, on va dire, quelque part, préparler de différentes façons, lakin, mais parler. Tout le monde peut le faire. Tu vas prendre même une personne qui est alcoolique, qui a la langue arabe, tu vas lui donner une khutbah en arabe, tu vas lui dire, Lila, il sera en capacité, il aura les capacités de le faire. Mais est-ce qu'il est sincère quand il va lire? Est-ce que lui, il apprécie ce qui est dit là? Est-ce que lui, il est apaisé avec ce qui est cité là? Ça, c'est ce qui réside dans son cœur. S'il te dévoile pas ses sentiments de façon apparente, seul Allah azza wa jalla sait ce qu'il y a dans son cœur. Donc ici, n'oublie pas qu'Allah dit, Wallahu ya'lamu ma fi qulubikum. Allah sait ce qu'il y a dans vos cœurs. Il te rappelle, ne triche pas, ne mens pas. Ça ne sert à rien de ruser avec Allah azza wa jalla. Allah, il sait ce qu'il y a dans ton cœur. Bien plus que cela. Allah azza wa jalla dit dans le Coran al-Karim, وَلَا تَقَفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. D'accord? Avec une traduction approximative, Allah te rappelle que quoi? Tu seras interrogé sur tous tes membres et même le cœur. Tu vas rendre des comptes sur ton cœur. Donc attention, purifie ton cœur et Abdallah, et sois sincère envers Allah Azza wa Jal. Et sois reconnaissant et rappelle-toi d'Allah même avec ton cœur et Abdallah. Écoute bien avec une traduction approximative et ne poursuis pas ce dont tu n'as aucune science. Certes, l'ouïe, la vue et le cœur sur tout cela. En vérité, on sera interrogé. Sur tout cela, on sera interrogé. Donc ici, ne vous mentez pas à vous-même, comme je le dis souvent. Ne mentez pas aux gens et ne mentez pas à Allah Azza wa Jal. Soyez sincères envers vous-même, envers Allah et envers les gens. D'accord? Et cessez de mentir si vous avez quelquefois tendance à mentir. Et ça, c'est une exhortation à moi-même aussi et plus que cela, à moi le premier. On continue. Donc on a dit avec le cœur, c'est-à-dire Allah t'a donné un bienfait, dans ton fort intérieur tu es satisfait de ce bienfait, tu dis Alhamdulillah. Tu dis pas devant les gens Alhamdulillah, alors dedans tu dis après c'est quoi? Donc vous voyez, donc c'est important le cœur, oui, faut que ça suive le cœur de façon intérieure. À travers la langue faut remercier Allah, faut être reconnaissant, c'est obligatoire. Mais pourquoi c'est aussi important? Pourquoi c'est aussi important le remerciement? D'accord? Parce que un, si tu remercies Allah Azza wa Jalla, on a dit quoi? Allah, il te préserve ce bienfait. Deux, Allah Azza wa Jalla, azidannakum. Allah, il te rajoute des bienfaits. Trois, et Allah, il te dit, si vous êtes ingrat, inna azabi la shadid. Mon châtiment sera douloureux. On a bien compris. Comment être reconnaissant avec la langue? Avec la langue. Être reconnaissant avec la langue, ici, c'est de proclamer les bienfaits d'Allah Azza wa Jalla. Et ça, c'est un ordre d'Allah Azza wa Jal au prophète Muhammad alayhi salatu wa salam. Faqad amara Allahu Jalla wa Ala habibina al-Mustafa alayhi salatu wa salam bidhalik lamma qala Jalla wa Ala wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Allah, il a ordonné au prophète alayhi salatu wa salam de faire ce qu'on appelle al-shukr, la reconnaissance, d'être reconnaissant avec quoi? Avec la langue. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Et concernant les bienfaits de ton Seigneur, Allah, il ordonne au prophète, alayhi salam, que dire de nous? Concernant les bienfaits de ton Seigneur, proclame-les. Il faut les dire. C'est pour ça que le musulman croyant, sincère, véridique, qui a bien compris cette religion, de jour comme de nuit, tout le temps tu l'entendras dire, falak alhamd, alhamdulillah ya Rab. Et quand il va dire, écoutez bien, alhamdulillah avec sa langue, son cœur, il est satisfait de ça. Et il est sincère. Et il sent ici, il sent ici une réjouissance dans son cœur quand il dit Alhamdulillah. Il est content de ce bienfait qu'Allah Azza wa Jalla lui a donné à travers sa langue. mais ici dans son fort intérieur, aussi dans son cœur aussi. Cette satisfaction réside aussi dans son cœur. Alhamdulillah. Pour cette ni'ma, alhamdulillah. Je suis musulman, wallahi, alhamdulillah. Et il ressent quelque chose dans son cœur, quelque chose de bien. Et plus il va le faire, et plus il va ressentir des choses bonnes dans son cœur, et plus Allah va lui préserver ce bienfait qu'il est en train de proclamer, et plus Allah va lui rajouter des bienfaits. Alhamdulillah qu'Allah Azza wa Jal m'a donné ce bienfait. Falak alhamd ya Rab. Et tu le dis aux gens, et tu le dis à Allah dans tes prières, et tu le dis dans ton fort intérieur, et dans tes soujouds, et tu remercies Allah Azza wa Jal. Clair ? Ça, c'est avec la langue. Donc ici, c'est de proclamer ici la louange de ton Seigneur Tabaraka wa Ta'ala. Dire Alhamdulillah, louange à Allah Azza wa Jal pour ce bienfait qu'il m'a donné, et tu le dis aux gens. Tu le dis aux gens. Moi, j'ai ce bienfait, falak alhamd ya Rab. Ce n'est pas pour te glorifier, attention. N'importe quel bienfait qu'Allah Azza wa Jalla. Moi, je remercie Allah subhanahu wa ta'ala de m'avoir donné des enfants vertueux. Alhamdulillah. D'accord? Et tu adoptes une position de juste milieu. Tu ne le répètes pas tout le temps devant des personnes qui, tu sais, qui peut-être éprouvent de la jalousie envers toi par crainte qu'ils te tapent avec quoi? Le mauvais œil. Donc, mais ici, tu programmes le bienfait d'Allah Azza wa Jalla quand tu vois qu'il est nécessaire. Alhamdulillah, Allah m'a donné. C'est Allah. Mais j'ai une belle voiture. Wallahi, j'ai une belle voiture. Tu le dis. J'ai une belle voiture, mais c'est Allah qui me l'a donné. Je l'ai eu de façon illicite. Licite, totalement licite. Et alhamdulillah, à côté, je donne de l'argent aux pauvres nécessiteux. À côté, je ne fais pas de gaspillage. À côté, j'oublie pas mon Seigneur. Et ça, c'est un bienfait d'Allah. Tout bienfait que tu as, fahadith. Proclame-le. C'est Allah Azza wa Jalla qui te l'ordonne, ya Abdallah. D'accord ? Et avec les membres, comment on remercie Allah Azza wa Jal avec les membres ? D'accord, on a compris. Fort intérieur, mashallah, il faut toujours le faire. Avec la langue, on l'a compris. فَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. Proclame-le. Quand on te dit ça, oui, c'est un bienfait d'Allah. T'as des beaux habits ? C'est un bienfait d'Allah. فَلَكَ الْحَمْدُ. Dis pas, ça vient de moi. Ah, وَالْعِيَذُ بِاللَّهِ. هَذَا مِنْ عِنْدِي. Ça, c'était les orgueux qui disaient ça. قَارُون et compagnie qui disaient ça. Ça vient de moi. Ah, c'est des causes. Ou des paroles qui ont causé leur perte, qui ont fait qu'Allah Azza wa Jalla a ordonné à la terre de les engloutir jusqu'au jour de la résurrection. Comme qui? Qarun. Alors que plusieurs hommes forts, il est rapporté qu'ils n'arrivaient pas à porter quoi? Les clés de son trésor. Il s'enflait d'orgueil. Il a causé ici sa destruction à travers des paroles. Wa sadaqa al-habib alayhi salatu wa sallam yaqul kama ja'a fi sahih, l'être humain ou le serviteur, il peut prononcer une parole, kalima, il ne lui donne aucune importance, alors que cette parole l'a plongé en enfer, telle et telle distance. Et il peut prononcer une parole, il ne lui donne aucune importance, alors que cette parole, c'est une des causes qu'il est au paradis. Une parole, kalima. Allah, il dit dans le Coran al-Karim. Et vous pensez que c'est insignifiant, quelquefois on parle, ou on fait des choses. Vous croyez que c'est pas grave, alors qu'auprès d'Allah, c'est énorme. Donc dis-toi toujours, est-ce qu'Allah aime ou il n'aime pas? Est-ce qu'il agrée ou il agrée pas? Est-ce que je vais attirer la colère d'Allah ou pas? D'accord. Avec les membres. Comment on est reconnaissant envers Allah Azza wa Jal avec les membres? Maintenant. On est reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala avec les membres, comme le prophète alayhi salatu wa salam a été reconnaissant envers Allah Azza wa Jal avec les membres. وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Vous avez certes dans le messager d'Allah un excellent exemple. D'accord? Donc, partons voir comment le prophète était reconnaissant envers Allah Azza wa Jal avec les membres. Rapporté par Al-Bukhari wa Muslim fi Sahihayn min hadith Aisha radiyallahu ta'ala anha wa ardaha annaha qalat kana rasulullah alayhi salatu wa salam yaqumu bil layl hatta tatafattara qadamah. Elle dit Aisha radiyallahu anha wa ardaha que le prophète alayhi salatu wa salam priait la nuit, écoutez bien, priait la nuit jusqu'à ce que ses pieds ou la plante de ses pieds se fendent. Quand on pense à ça, on se dit mais c'est réel ou pas? Subhanallah. D'accord? À première vue, on dit subhanallah. Quand tu me dis, c'est bien sûr qu'on sait que c'est réel. D'accord? On sait que c'est une réalité. Mais tellement que ça nous dépasse et que ces comportements ici nous dépassent parce que ça montre un degré de piété que nous, subhanallah, illa man rahimallah, on est à des années-lumière peut-être. Ici que tu dis subhanallah, c'est pas bon. Jusqu'à ce que prier la nuit, vous imaginez. C'est pas il courait dans la rue pieds nus pour que ça se fende. Non, il priait. Il restait la prière. Jusqu'à ce que ses pieds se fendent. قالت عائشة رضي الله عنها وأرضها. هل يجي عائشة رضي الله عنها وأرضها؟ Est-ce que tu mais pourquoi tu fais cela يا رسول الله؟ Pourquoi tu fais cela؟ وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. أتصنع هذا؟ Tu fais cela alors qu'Allah عز وجل t'a pardonné tes péchés, passé et futur. On ne sait même pas si un seul péché dans notre vie a été pardonné auprès d'Allah Azza wa Jal. On ne sait même pas. Naam, il y a des actions, le prophète Azza wa Jal dit tu les fais, tes péchés sont pardonnés. Allah il dit tu les fais, mais est-ce que ça a été vraiment pardonné? On ne sait pas. Donc nous on est toujours entre quoi? Al-khawf wal-raja, la peur et l'espérance. La peur d'être en enfer, la peur de recevoir le châtiment d'Allah, la peur qu'Allah ne nous pardonne pas et l'espérance d'être au paradis, l'espérance qu'Allah nous agrée, l'espérance qu'Allah nous pardonne nos péchés. Pour jamais être trop sûr de soi et pour jamais désespérer de la miséricorde d'Allah. On ne désespère pas de la miséricorde d'Allah. On espère toujours la récompense d'Allah et on espère toujours qu'Allah nous pardonne. Et on espère toujours aller au paradis. Mais il ne faut pas être trop sûr de soi. Donc, à côté, on est toujours et on se penche toujours aussi vers Al-Khawf. La peur qu'Allah n'accepte pas mes actions. La preuve que je sois en enfer. La preuve que j'ai adab ul qabr, le châtiment dans la tombe. Comme ça, tu es dans le juste milieu. Wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasata. Et c'est ainsi qu'on a fait de vous une communauté de juste milieu. Tu n'es jamais trop sûr de toi. Et à l'abri de la ruse et du complot d'Allah Azza wa Jal. D'accord? Ou plutôt, na'am, de la ruse d'Allah Azza wa Jal. Ou qu'Allah Azza wa Jal te descende une épreuve que toi tu ne pourras, tu vas, yani, par la cause de tes mains, dériver et causer ta perte ici-bas et dans le-delà. Et ici, tu as toujours l'espérance qu'Allah Azza wa Jal, il te pardonne. Tu ne désespères pas de la miséricorde d'Allah, mais t'es pas trop sûr de toi aussi. Clair? On est toujours entre le khawf et ar-raja. On est d'accord. Donc, le croyant, il adopte toujours un comportement de juste milieu. Aïcha radiyallahu anha wa ardaha, elle a dit au prophète alayhi salatu wa salam, tu fais cela alors que tes péchés passés, ici et futurs, sont pardonnés. Nous, on ne sait pas qu'est-ce qui est pardonné ou agréé auprès d'Allah Azza wa Jalla. Tu fais le hajj, tu ne sais pas. D'accord, s'il a accepté ou pas. Tu espères qu'il a accepté, mais tu as peur qu'il ne soit pas accepté. Tu fais ta prière, tu ne sais pas si elle a accepté. Est-ce qu'elle est valable ou pas? Oui, ça tu peux le dire. Si tu as l'audo, si tu as rempli les conditions, oui, valable ou pas. Mais accepté ou pas, ça c'est autre chose. Allahu alam. Tu espères qu'elle a accepté, mais tu as peur qu'elle ne soit pas acceptée. Donc tu multiplies les prières surérogatoires. Wa hakada. Tu fais des bonnes actions, tu ne sais pas si elles vont être acceptées. Mais tu as l'espérance qu'elles soient acceptées. Et quand tu ne sais pas s'ils sont acceptés, donc ça te pousse à faire quoi? D'autres bonnes actions. Vous avez vu? Donc ici, le prophète alayhi salam, bien que ses péchés soient pardonnés passés et précédents, qu'est-ce qu'il a répondu? Afala uhibbu an akuna abdan shakura? Avec une traduction approximative, il répond à son épouse Aïcha et lui dit: ne serais-je pas un serviteur reconnaissant envers mon Seigneur tabaraka wa ta'ala ou Aïcha? Subhanallah, par reconnaissance. Donc ici, il l'a fait par reconnaissance, juste remerciement, d'accord? Juste pour remercier. Quand quelqu'un te donne quelque chose, khlash, il te le donne. Si tu le remercies ou pas, il va te le donner quand même, on est d'accord. Il te le donne, il te l'a donné. Si tu ne lui dis pas merci, cette chose, il va te la reprendre ou pas? Il ne va pas te la reprendre. Et donc si tu lui dis merci, c'est une preuve de reconnaissance. Tu n'étais pas obligé de lui dire merci. Mais donc là, ça montre un bon comportement envers lui, d'accord? Allah Azza wa Jal, est-ce qu'il a fait que le prophète alayhi salatu wasalam soit voué au paradis? Naam, prophète alayhi salatu wasalam, il est voué au paradis. Khalas. Avec cela, il a eu le paradis, le prophète alayhi salatu wasalam, il l'a eu. Donc, est-ce que ici, il s'est dit, j'ai eu le paradis, donc j'arrête? Non. Regardez, le prophète, il a monté de niveau. Au-dessus de nous, on ne sait même pas si un jour on ira au paradis ou pas. Allahumma arzaqna al-jannah. Qu'Allah nous accorde le paradis. Et ici, le prophète alayhi salatu wasalam, il dit, afala uhibbu an akuna abdan shakura? Ne serais-je pas un serviteur reconnaissant? C'est par reconnaissance envers son Seigneur. Il a passé le degré de c'est ici je dois le faire, sinon non parce que j'ai peur du châtiment. C'est parce qu'il aimait vraiment Allah Azza wa Jal, par reconnaissance envers Allah subhanahu wa ta'ala. Il l'aimait tellement qu'il prie jusqu'à ce que ses pieds se fendent. Donc on a compris que ash-shukr se fait à travers les membres aussi. Trop facile de dire alhamdulillah j'aime Allah, mais à côté ça ne suit pas la salah, la zakat, la sadaqa, la rien du tout. Ici si tu aimes vraiment Allah Azza wa Jal, sois reconnaissant envers Allah Azza wa Jal. De quelle manière? Avec le cœur. Dis j'aime Allah et sois sincère dans ton cœur et fais suivre ces paroles et ce sentiment intérieur par les actions. D'accord? Par les actions. Qala al-ulama, les savants ils ont dit. De quelle manière? De quelle manière on est reconnaissant? Par exemple, comme on a vu dans le hadith ici, avec des prières surérogatoires envers ton Seigneur tabaraka wa ta'ala. Et les œuvres les plus aimées auprès d'Allah Azza wa Jal, c'est quoi? Les œuvres obligatoires, naam. Donc déjà, c'est que tu sois assidu aux prières obligatoires, aux œuvres obligatoires, d'accord? Al-fara, et tout ce qui est obligatoire, al-wajibat, les choses qui sont obligatoires en islam, tu es assidu. Et tu passes un nawafil aussi. Tu donnes des aumônes surérogatoires, etc. de façon générale. Plus dans les détails. Plus dans les détails. Tu veux être reconnaissant auprès d'Allah Azza wa Jal pour tous les bienfaits qu'Allah Azza wa Jal t'a donné. C'est obligatoire ou pas? On a dit c'est obligatoire. Sinon, le châtiment d'Allah, il est douloureux. Allah Azza wa Jal, il t'ordonne d'être reconnaissant envers lui pour tous les bienfaits. Donc chaque bienfait qu'Allah Azza wa Jal nous a donné, on doit être reconnaissant. D'accord ? Et la reconnaissance avec le cœur, la langue et les membres. Maintenant, à titre d'exemple, Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné un bienfait. Par exemple, de l'argent. Tu as de l'argent. Tu dois être reconnaissant envers ce bienfait ou pas ? Non, parce que c'est un bienfait. Avec le cœur, tu es satisfait de ce bienfait et de, dans ton fort intérieur, tu reconnais que c'est Allah qui t'a donné ce bienfait. Et tu es reconnaissant envers Allah. Avec ta langue, quand on te dit tu as beaucoup d'argent, tu dis « هذا من فضل الله عز وجل وليس مني » Ça, ce n'est pas de moi. Ça, c'est de la part de la grâce. C'est une grâce de la part d'Allah عز وجل. C'est un bienfait d'Allah عز وجل. Allah عز وجل dit dans le Coran al-Karim « يرزق من يشاء بغير حساب » Il donne sa subsistance. Ça, à qui il veut, sans compter. C'est Allah al-Razzaq, c'est Allah le pourvoyeur. Donc tu reconnais que c'est Allah. Tu dis, moi je suis un faqir, je suis un pauvre. Al-Ghani ou Allah, le riche c'est Allah. Tu te rabaisses à travers la langue. Ça vient d'Allah Azza wa Jal. C'est pas de moi. Même si tu as fait, on dit, oh, t'es un grand commerçant. Wallah, et moi je suis qu'une cause. Moi je suis qu'une cause. C'est Allah qui m'a donné. Ça, c'est une preuve de modestie et c'est une reconnaissance avec ta langue. Elle m'a dit, bien sûr, je suis un grand commerçant. Et bien sûr, moi j'arrive, je suis plus intelligent que toi. Ouais, c'est normal que toi t'arrives pas à mon niveau. Ça, c'est de l'ingratitude envers Allah Azza wa Jal. C'est comme si tu disais, c'est pas Allah qui m'a donné, c'est j'ai fait ça de mes mains. Donc tu ressembles à qui? Qarun, wal'iyadu billah. Donc attention. Qarun, Allah, il a ordonné à la terre de l'engloutir jusqu'à la fin des temps. D'accord? Donc ici, nous disons avec la langue, reconnais que c'est Allah. Ça, c'est juste un exemple. L'argent. Et après, prends cet exemple-là, comprends ce fondement-là et mets-le en application pour tous les bienfaits qu'Allah Azza wa Jal t'a donné. Maintenant, à travers les membres. Ah, comment être reconnaissant envers Allah Azza wa Jal à travers les membres? Pour ce bienfait qu'Allah t'a donné. Comment? On l'a déjà dit plusieurs fois. C'est que tu le donnes fi sabilillah azza wa jal, cet argent. Tu es reconnaissant à travers ici ce bienfait, ou plutôt tu es reconnaissant pour ce bienfait d'Allah azza wa jal en donnant de l'aumône fi sabilillah dans le sentier de ton Seigneur tabaraka wa ta'ala. Car Allah azza wa jal te dit plusieurs fois dans le Coran al-Karim d'être généreux et de ne pas être avare. وَلَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ Plus que cela, Allah Azza wa Jal dit, vous n'atteindrez la vraie piété que lorsque vous donnerez ce que vous aimez le plus. Subhanallah. C'est pas ce que lorsque vous donnerez. Ce que vous aimez le plus. Ah, vous atteindrez la vraie piété que lorsque vous donnerez ce que vous aimez le plus. Ce que tu aimes beaucoup, khalas, tu le donnes. Amma, si tu donnes pas ce que tu aimes le plus, mais tu donnes, ada yakfi, alhamdulillah, ada tu donnes, masha'Allah. Walakin, si tu arrives à un stade, ce que tu aimes le plus, par exemple, tu veux siddaq des habits, tu as un pull et un autre pull. Un pull, tu l'aimes pas, il est ancien, un autre pull, il est tout neuf. Ah, je veux atteindre la vraie piété. À haut niveau, je donne le pull que je préfère. Ah, c'est dur, là. Walakin, attention. C'est pas des gens qui vont venir vers vous et qui vont abuser aussi de la générosité de certains et qui vont dire à chaque fois, non, moi, ton argent, c'est mon argent, mon frère, donc donne-moi ton argent. Et à chaque fois, ah non, tu dois me donner obligatoirement. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Aucun d'entre vous ne sera un véritable croyant que lorsqu'il aime pour son frère ce qu'il aime pour lui-même, comme a qala alayhi salatu wa salam. Donc ce que tu aimes pour toi-même, tu aimes pour moi. Donc tu aimes l'argent pour toi, donne-moi ton argent. Et tu ne seras pas un véritable. Non, on joue pas avec la religion, abadan. Déjà, Allah, le prophète Aïssam, il dit à Ibn Abbas, idha sa'alta fas'alillah. Quand tu demandes, demande à Allah, va pas demander aux gens, ya Abdallah. Walakin, toi, quand tu fais une aumône de toi-même, essaye de faire une aumône avec ce qu'il y a de meilleur, de mieux. D'accord? Avec ce qu'il y a de meilleur. Et ça, Allah, il en parle dans le Coran. Donc plusieurs fois, on sait très bien que l'aumône est recommandé dans le Coran al-Karim et dans la sunna du prophète alayhi salatu wasalam. Tu donnes de cet argent, tu es reconnaissant. Ya Allah, je suis reconnaissant. Je sais que c'est toi qui me l'as donné. Et je sais que le prophète alayhi salatu wasalam est une vérité, sa parole est vérité. Et que le prophète alayhi salatu wasalam, il dit, ma naqasat sadaqa. Ici, il n'y a pas une aumône qui a diminué quoi que ce soit, qui diminue quoi que ce soit dans vos biens. Bien plus que cela, Allah dit dans le Coran, yamhaqu Allahu ar-riba wa yurbi as-sadaqat. Allah anéantit l'intérêt usuraire et il fait fructifier les aumônes. Donc tu es sûr que ce que tu vas donner, Allah Azza wa Jal va te... Il va quoi? Il va te fructifier, il va t'en rajouter. D'accord? Il va t'en rajouter. Qu'est-ce qu'on a dit sur Shukr tout à l'heure? Si on était reconnaissant, Allah, tout ce qu'on vient de dire, est-ce que ça coordonne ou pas? Allah, il dit, وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَإِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. Ah, si vous êtes reconnaissant, je vais vous en rajouter. La preuve que le fait de donner de l'argent fi sabilillah, quand Allah t'a donné ce bienfait, la preuve que c'est une reconnaissance et que la reconnaissance se fait à travers l'action. Car Allah a dit, quand tu es reconnaissant envers Allah, Allah te rajoute. Et là, quand tu donnes des aumônes, et les aumônes, c'est quand tu as eu un bienfait d'Allah, de l'argent, Allah te rajoute de l'argent. Et on a dit, Allah a dit, quand tu es reconnaissant envers Allah, Allah te rajoute des bienfaits. Comme là. Tu donnes de l'argent, Allah te rajoute de l'argent. Donc, quand tu as de l'argent, Allah il t'a donné ce bienfait à titre d'exemple, c'est un fondement, applique-le pour tout, pour toute chose. Allah t'a donné ce bienfait là, sois reconnaissant dans ton fort intérieur, avec la langue, dis, فَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ, concernant le bienfait de ton Seigneur, proclame-le. Ça, c'est Allah qui m'a donné l'argent, c'est pas moi de moi-même. Car si Allah veut, il veut quoi que ce soit, il dit, كُنْ فَيَكُنْ, s'il veut que je meure, je meurs. S'il veut que je devienne pauvre, je deviens pauvre. الرزاق, c'est Allah عز وجل. D'accord? Donc ici, et à travers les membres, l'argent qu'Allah m'a donné, je ne suis pas ingrat. D'accord? Si je suis ingrat, le châtiment d'Allah est douloureux. Non, Allah il me teste. Donc je suis reconnaissant envers Allah Azza wa Jalla à travers les membres, je le donne. Et le prophète et Allah ils le disent. Quand tu donnes, Allah t'en rajoute. Allah il va te rajouter de ses bienfaits parce que tu as donné. Wa hakada, tout bienfait que tu as, écoute bien, ne sois pas égoïste et ne sois pas avare. C'est-à-dire, écoute bien, fais profiter le maximum de personnes quand tu as un bienfait. D'accord? Allah t'a donné une demeure. C'est un bienfait ou pas d'avoir une demeure? Bien plus que ça, le prophète alayhi sallam, il a dit, quatre choses font partie, sont des causes du bonheur, apportent le bonheur. Et quatre choses apportent le malheur. Fis sahih. Le prophète alayhi sallam, il a dit, les quatre choses, c'est quoi? C'est quoi? La bonne monture, c'est une cause de bonheur, avoir une bonne monture. Hmm? La maison spacieuse, d'accord? La femme vertueuse, d'accord? Et un bon voisin. Ça, c'est les quatre choses. Le prophète alayhi sallam, il a dit, c'est des causes de bonheur. Et quatre choses apportent le malheur. Une mauvaise monture, une maison étroite, une mauvaise femme et un mauvais voisin. D'accord? Donc ici, quand Allah te donne ce bienfait qui est une maison spacieuse, une maison, alhamdoulilah, un toit, mashallah. Donc tu es reconnaissant, tu dis, à l'intérieur de toi, alhamdoulilah, je suis satisfait de cette maison. Et tu ne te plains pas. Ah, ça veut dire que quoi? Tu n'es pas ingrat. L'ingratitude, c'est l'inverse de quoi? D'être reconnaissant, de remercier Allah. Donc, si moi je me plains d'un bienfait qu'Allah m'a donné, donc je suis ingrat. Si quelqu'un il a une maison, il dit, ouais, mais moi j'ai une petite maison et oh, regarde, les gens ils ont des grandes maisons, il veut toujours plus. Est-ce que c'est de l'ingratitude? C'est de la gratitude pure. Wal'iyadhu billah. Pourquoi moi j'ai ça, lui il a ça? Donc la jalousie, quelque part, est-ce qu'elle rejoint l'ingratitude? Naam, un jaloux, il est toujours ingrat envers son Seigneur tabaraka wa ta'ala. أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. Allah il dit dans le Coran, il parle aux jaloux. Est-ce qu'ils envient les gens concernant les bienfaits qu'Allah leur a donnés? وَالْعِيَذُ بِلَاد. Donc Allah il met en garde. C'est de l'ingratitude d'être jaloux. Pourquoi lui il a ça? Ou alors toi d'être pas satisfait. Je veux plus. Je veux plus. Au lieu de prendre ce bienfait, de faire profiter le maximum de personnes et dire, ya Allah falak alhamd. Et avec ton cœur, avec ta langue et avec l'action comme on va le voir. Non, toi tu te plains. Et tu ne suis pas le hadith où le prophète a dit, انظروا الى من هو اسفل منكم ولا تنظروا الى من هو فوقكم. Regardez ceux qui sont en dessous de vous et ne regardez pas ceux qui sont au-dessus. Ceci est plus à même de vous faire reconnaître les bienfaits d'Allah Azza wa Jal sur vous. Ah, les bienfaits d'Allah Azza wa Jal sur vous. Al-an'am, les bienfaits d'Allah Azza wa Jal sur vous. Al-ni'am. Donc ici, al-ni'am, les bienfaits, les délices d'Allah Azza wa Jal, tu dois être reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala. Et tu regardes toujours ceux qui sont en dessous pour dire, alhamdulillah. Donc la maison, on a dit, tu dis alhamdulillah de ton fort intérieur. Tu es satisfait. On te dit, tu dis, moi alhamdulillah, j'ai une maison, je suis satisfait. Tu es satisfait, elle est petite. Mais elle est pas belle comme les, alhamdulillah. Avec la, alhamdulillah. Il y a des gens, ils vivent dehors et ils disent alhamdulillah, ils sourient, mon frère. Alhamdulillah. Fa'amma bini'mati rabbika fahaddith. On est d'accord. Avec les membres, comment tu fais? Tu fais profiter le maximum de personnes de ce bienfait. On a compris. C'est comme ça la règle et c'est ça le fondement général. Donc, tu invites des gens chez toi. Est-ce que ici le fait d'inviter des gens chez soi et de s'occuper avec générosité et comme il se doit de son invité, ça fait partie de la sunna du prophète alayhi salatu wassalam et tu as une récompense pour cela et c'est demandé de faire cela en islam? Oui ou non? Rawahu al-imam al-Bukhari, man kana yu'minu billahi wal yawm al-akhir falyukrim jara, falyukrim dayfa. Le prophète alayhi salatu wassalam, il a parlé de quoi? Il a parlé du voisin, mais il a parlé aussi de l'invité, celui qui croit en Allah au jour dernier, qu'il se comporte avec générosité envers son invité. Ah, donc ici, pour être reconnaissant envers Allah, Allah t'a donné une maison. Ya Allah, falak alhamd, je suis reconnaissant envers toi et j'invite des gens chez moi qui mangent chez moi parce que c'est demandé en islam, ça relève de la sunna et je m'occupe comme il se doit de eux. Wa hakadha, tout bien fait qu'Allah t'a donné. Une femme vertueuse, pareil. tu es reconnaissant. Fort intérieur, tu dis, Ya Rab, falak alhamd. Avec ta langue, tu dis, alhamdulillah. Si ta femme est perverse ou elle est pieuse, tu dis, alhamdulillah, ma femme est perverse. Et tu regardes. Ici, le grand nombre de biens qu'elle a, par rapport à, au peu d'erreurs qu'elle a. Parce que toute personne fait des erreurs dans l'islam. Sur la surface de la terre, dans le monde, sur notre planète. Kullu bani Adam khata. Tous les enfants d'Adam font des erreurs. Voilà que tu sais qu'elle a plus de biens que de mal. Alhamdulillah. Donc tu le dis clairement et tu n'es pas ingrat. Ou vice versa, la femme, si elle voit son mari, il a beaucoup de bienfaits, peu d'erreurs, elle dit, alhamdulillah, je suis satisfaite de mon mari. Le frère, alhamdulillah, je suis satisfaite de ma femme. Parce que si il devrait être satisfait de sa femme et il n'est pas satisfait, c'est de l'ingratitude. Rawahu al-imam muslim. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit, j'ai vu l'enfer et le maximum ou le plus grand nombre de personnes en enfer, ce sont les femmes. Ils ont dit, le prophète, il a dit, ils sont ingrates. Ils ont dit à Rasulallah, ils sont ingrates envers leur Seigneur. Il a dit, non. Ils sont ingrates envers leur mari. Même si leur mari leur donnait tout ce qu'il peut lui le donner comme bienfait, il suffit qu'une fois il fasse une erreur pour qu'elle dise, ma ra'aytu minka khayran qat. Je n'ai vu aucun bienfait venant de ta part. Vous suivez bien? Donc on parle de l'ingratitude. C'est une des causes que la majeure partie des femmes sont en enfer. On est d'accord. Quelqu'un va dire, mais c'est dur, juste parce qu'ils ne sont pas ingrats. Mais qu'est-ce qu'il a dit à Allah Azza wa Jal? Wala in kafartum, inna azabi la shadid. Vous comprenez maintenant, c'est pas un jeu. Celui qui a de la science, quand il parle, il réfléchit à 1000 fois avant de parler. Quand il donne un jugement, il réfléchit 1000 fois. Avant de juger, avant de se plaindre, il réfléchit 1000 fois. Vous avez vu, mais sans science, comment tu vas méditer à ces versets, ces hadiths? Regardez, Allah Azza wa Jal dit, si vous êtes ingrat, mon châtiment est douloureux. Ya Rasulallah, ils sont ingrats envers Allah? Non, envers leur mari. Et la cause de cette ingratitude, le prophète, qu'est-ce qu'il dit? La majeure partie des habitants de l'enfer sont les femmes. Dieu a quoi? L'ingratitude. Attention, même pour l'homme. L'homme qui est ingrat envers son épouse, envers ses enfants. D'accord? Et donc ici, la reconnaissance, c'est de le dire avec la langue aussi. D'accord? Et avec l'action, le comportement, l'homme envers sa femme ou la femme envers son homme, c'est quoi? C'est de montrer à Allah Azza wa Jalla que tu es satisfait. Et c'est d'utiliser ce bienfait-là comme Allah Azza wa Jalla le veut. C'est-à-dire d'enseigner la plus belle et la meilleure des choses qu'il y a sur la surface de la terre à ton épouse et vice-versa, l'épouse envers son mari, c'est quoi? Al-Islam al-Ilm. Ce qui va être la cause de son entrée au paradis. Apprendre à connaître Allah, lui enseigner sa religion avec sagesse, avec bonne exhortation, se comporter convenablement envers elle, etc. Et de faire profiter un maximum de personnes envers ce bienfait-là. D'accord? Si tu vois que ta femme peut être bénéfique pour les gens, pour leur enseigner la religion, fais. Si ton mari peut être bénéfique pour en faire profiter les gens, donc, soit à ses côtés et soit son soutien pour qu'il puisse le faire dans les meilleures conditions. Wahakada. Envers les enfants, pareil. Tu dis, alhamdoulilah, j'ai des enfants. Et je suis satisfait de mes enfants. Et si ils sont égarés, tu fais dua pour eux, pas contre eux. Et ici, tu les utilises. Tu utilises ce bienfait de la meilleure des façons. Comme Allah et son messager le veulent, c'est-à-dire tu leur enseignes l'islam. Tu les éduques sur le Coran et la Sunna selon la compréhension des ancêtres pieux. Wahakada, pour tous les bienfaits qu'Allah Azza wa Jalla vous a donnés. C'est ça, la vraie reconnaissance envers son Seigneur Tabaraka wa Ta'ala. Et le fait d'être reconnaissant envers les bienfaits d'Allah Azza wa Jalla, c'est obligatoire. Et un être humain, ici, est un bienfait quelquefois pour toi. D'accord? Est un bienfait pour toi. Comme, par exemple, si quelqu'un vient, un être humain, et t'apporte du bien. Pour ta religion, pour ta santé, il t'apporte du bien. Donc c'est un bienfait qu'Allah Azza wa Jalla t'a mis à ta disposition. C'est qui l'a emmené cette personne-là? C'est Allah Azza wa Jalla. Si tu es ingrat envers ce bienfait, que ça soit une chose, que ça soit un membre de ton corps, que ça soit de l'argent, ou que ça soit un être humain, tu es ingrat envers Allah Azza wa Jalla. D'accord? Pourquoi? Car c'est Allah Azza wa Jalla qui t'a mis à disposition ce bienfait. Et le prophète alayhi salatu wassalam a dit dans un hadith jugé bon par Cheikh Al-Albani, man lam yashkur innas lam yashkur illah. Comme on le dit souvent, celui qui n'est pas reconnaissant envers les gens, il n'est pas reconnaissant envers Allah. Pourquoi? Cette personne qui vient et qui te fait du bien, c'est qui l'a envoyé? Allah. Si tu n'es pas reconnaissant envers cette personne, tu es ingrat envers Allah Azza wa Jalla. Celui qui n'est pas reconnaissant envers les gens, il n'est pas reconnaissant envers Allah. Celui qui est reconnaissant envers les gens, il est reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala. Donc même les gens qui t'apportent du bien, sois reconnaissant. Et te dis pas, non, khlas, moi je vais dire alhamdoulilah, shukran ya rab, ou alakin lui, je veux pas lui dire, parce que j'ai trop d'orgueil. Ou alors elle, je veux pas lui dire. C'est-à-dire être reconnaissante envers cette personne-là. Non, khlas, parce que j'ai trop d'orgueil. Parce que ça ne suffit pas d'être reconnaissant envers Allah. Pourquoi? Man lam yashkur innas, lam yashkur illah. Car si tu es reconnaissant envers Allah Azza wa Jal et tu n'es pas reconnaissant envers ce bienfait qu'Allah t'a mis à ta disposition, tu n'obéis pas au prophète alayhi salatu wa salam et tu n'as pas une reconnaissance complète. Tu dis, moi, quelque part, j'ai pas besoin de reconnaître le bienfait qui vient d'Allah Azza wa Jal. Non, je suis pas satisfait de ce bienfait. Abadan, sois reconnaissant envers les gens, toute personne qui t'apporte du bien, et ne sois pas ingrate. D'accord? C'est-à-dire, l'inverse de la reconnaissance. Te plaindre de cette personne. Et ici, mentionner des choses qui ne font pas partie de cette personne. Sois reconnaissant, et automatiquement tu es reconnaissant envers Allah Azza wa Jal. Et si tu es ingrate envers cette personne, inna azabi la shadid. C'est Allah qui dit. Certes, mon châtiment est douloureux. Et on continuera, incha'Allah ta'ala, la semaine prochaine avec Ash-Shukr. Et wabillahi tawfiq. Wallahu ta'ala a'lam wa ahkam. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Alhamdulillahi rabbil alamin.